Chapitre 22e. Grande bête, avait dit André en apprenant qu'Henri Mareuil venait de quitter les Charmilles. Elle n'acheva pas sa pensée. Faux départ. Avant 8 jours, il reviendra me demander pardon. La jeune fille attendit donc, convaincue que les scrupules de Mareuil ne prévaudraient pas contre la passion qu'elle avait su lui inspirer. À la fin de la semaine, elle fut prise d'un peu d'impatience et écrivit ce billet, qui ne devait parvenir à Henri que 2 mois plus tard. Cette lettre étant restée sans réponse, André regretta de l'avoir expédiée et se sentit cruellement blessé dans sa vanité. Ce n'est pas là qu'elle eût souffert si elle avait eu pour l'absent autre chose qu'une de ces fantaisies qui sont la parodie de l'amour. 1 mois après, quand sa famille revint à Paris, où M. Passemart récemment élu était rappelé par la rentrée des chambres, la jeune fille avait déjà franchi l'intervalle qui sépare le dépit de la colère. Elle était en proie à une irritation sourde contre l'homme qui venait de lui affliger l'affront qu'une femme jeune, belle et coquette, pardonne le moins aisément. André aurait voulu se prouver à elle-même qu'Henri s'était dès les premiers jours appliqué à lui plaire et qu'il n'avait pas réussi, qu'il ne l'avait point quitté mais qu'elle l'avait chassé. L'idée qu'on pouvait apprendre un jour qu'elle eût fait des avances et offert sa main à ce garçon sans fortune et sans nom, à un secrétaire de son père, exaspérait son orgueil. Il ne lui restait plus de son intrigue amoureuse que le souvenir cuisant d'une humiliation et le désir de reparaître avec plus d'éclat que jamais sur le théâtre ordinaire de ses succès. Tel était l'état d'esprit de la jeune fille lorsque M. Passemart ouvrit les salons de son hôtel à la fin d'octobre. L'un des plus empressés à venir féliciter le nouveau député fut M. de Morincourt. Quelques années auparavant, il était arrivé de sa province, léger d'argent, riche d'ambition, résolu à chercher et à trouver fortune à Paris. Deux prix, l'un de dessin, l'autre de discours français, remportés au concours académique à la fin de ses classes, avaient été pour lui la révélation d'une double vocation d'artiste et d'écrivain. Il trouva à Paris les déceptions réservées aux sujets extraordinaires que la province envoie de temps en temps à la capitale, grands hommes ou moutons à 5 pattes. Encore ces derniers ont-ils plus de chances de réussir. Les premiers essais de Morincourt en vers et en prose passèrent inaperçus, et nul ne soupçonna qu'il y eût un malheureux de plus dans la grande et famélique tribu des noircisseurs de papier. L'art ne lui fut pas plus clément. Il tira 80 francs d'une toile qui, là-bas, avait excité l'admiration de ses compatriotes et fait dire à un connaisseur du cru qu'il y avait là-dedans du Rubens ou du Raphaël, à moins que ce ne fût du Murillo. Au bout d'un an, Morincourt, ayant épuisé son petit pécule, se trouva sans ressources. Plutôt que de reparaître en vaincu dans sa province qu'il avait quittée en conquérant, le vicomte se mit à user le pavé de Paris en compagnie d'autres bohèmes, dont le principal titre à trouver le rameau d'or était d'être des fruits secs. Il s'enrôla dans cette bande qui va battant tous les buissons de la vie afin de faire lever les 2 oiseaux rares, fortune et gloire. Chasseurs grotesques qui s'indignent de rester bredouilles et ne s'aperçoivent point qu'il n'y a pas de poudre dans leurs fusils. On commençait à parler alors d'un certain naturalisme de la peinture nommé l'impressionnisme, autour duquel il se menait grand bruit. Roger, afin de marquer son adhésion à la nouvelle école, peignit une toile sur laquelle se déchaînait la plus furieuse sarabande de ton cru que pinceau d'épileptique ait jamais conduite. On se récria. Un luministe distingué affirma que Manet était enfoncé et qu'il ne restait plus qu'à se rallier au pleinérisme qui venait d'être révélé. Le nom fit fortune. De l'observatoire à la fontaine Saint-Michel, il fut admis que Morincourt était un oseur et qu'il avait du chien dans le ventre. Le pauvre diable y avait surtout de la vache enragée, et c'est parce qu'il était là d'en manger qu'il outrait sa manière afin d'attirer les regards. Par le temps qui court, il n'est point si sot de prendre position à l'extrême gauche, en art aussi bien qu'en politique. Morincourt venait de prouver au chef de son école qu'on trouve toujours un plus réaliste que soi, du coup son nom fut mis en lumière. Encouragé par ce succès, il eut l'idée d'appliquer le même procédé à la littérature. Jusqu'alors, sa plume, comme son pinceau, n'avait rien produit qui ne fût médiocre, mais sincère. Il s'avisa qu'un écrivain, aussi bien qu'un peintre, doit, pour réussir, se faire une manière. Il commença donc par s'imposer un style bizarre, tout à la fois précieux et populacier, plein de mots hors d'usage, de tours vieillis, de néologismes dont l'hardiesse ne rachetait pas l'incorrection, enfin de termes empruntés à l'argot. C'est ce qu'il appelait enrichir sa langue. De fait, il avait inventé la plus étrange mixture littéraire qui se pût concevoir, quelque chose comme un sachet qui aurait renfermé une gousse d'ail et de la poudre à la maréchale. Certains volumes de contes gaillards qu'il publia après la guerre parurent un peu lestes à la magistrature. Morincourt eut d'abord la joie d'être poursuivi, puis le bonheur d'obtenir ce qu'il souhaitait, une condamnation, qui le sacra du même coup poète et martyr du 24 mai. Au sortir de l'audience, le quartier latin, représenté par quelques étudiants dont les opinions étaient plus avancées que leurs études, et par un certain nombre de jeunes personnes connues pour leur libéralisme, lui fit une ovation. L'écrivain persécuté eut un avant-goût de la gloire. Des bouffées d'orgueil le montèrent au cerveau. Un jour, il se heurte à un rapin de ses amis et affecte de ne point le reconnaître. L'autre s'étonne. « Je ne vous voyais pas, » dit-il, « je faisais un verre. » Il prit l'habitude de se promener tête nue sur les quais, le chapeau à la main, tantôt l'air fatal et inspiré, tantôt le front penché, dans l'attitude d'une douloureuse méditation. Quelqu'un le rencontre et lui demande de ses nouvelles. « Je me meurs, » répond-il du ton de René ou d'Obermann. « Et de quoi, bon Dieu ? Je me meurs de la vie. » Il se mit à étudier Edgar Poe, Allan Kardec, Swedenborg, se jeta à corps perdu dans la littérature macabre et spirite. Il eut dans son atelier sur sa table un crâne avec cette inscription au front « La cage est vide, où est l'oiseau ?» Une gentille petite tête de mort en ivoire lui servait d'épingle de cravate. Il prit pour bouton de manchet deux jolis tibias entrecroisés de vieil argent. On sut qu'il faisait à la morgue, à la clinique, des études de cadavres, qu'il s'était lié avec le bourreau et avait assisté à la dernière exécution, un calepin à la main, pour prendre des notes. Ses amis du quartier racontaient aussi qu'il préparait un ouvrage sur la grande névrose. Ses poésies se trouvèrent célèbres avant d'être imprimées. Morincourt obtint un succès de terreur en récitant dans les brasseries de la rive gauche quelques pièces où il était fort question de cimetières, de fossoyeurs, de larves et de cercueils. On vit de petites dames costumées en Suissesse ou en Alsacienne, qui servent la bière dans ces maisons hospitalières, s'évanouir de terreur, tout aguerris qu'elles fussent, tant ils roulaient les yeux et les airs de façon tragique en déclamant. Ce fut bien autre chose quand il imagina de composer sur ses poésies de l'autre monde une musique qui ne l'était pas moins, et de ne plus dire ses vers sans s'accompagner au piano. L'écho de cet enthousiasme parvint jusqu'à la rive droite, et le chroniqueur d'une feuille à gros tirage annonça qu'un grand poète était né dans cette sixième partie du monde qu'était l'Odéonie. Le journal organisa une soirée littéraire à laquelle furent conviés un grand nombre d'artistes, d'hommes de lettres, de comédiens et d'actrices. Morincourt s'y produisit et ne perdit point cette grosse partie, car si quelques-uns eurent bientôt mis à jour tout ce que sa prétendue originalité couvrait d'artificiel, de faux ou de vulgaire, le plus grand nombre des hommes et presque toutes les femmes présentes se laissèrent prendre à ses éclats de voix, à ses grands gestes, à ses mines de convulsionnaire. Il usa très habilement de ce succès et, renonçant à la bohème, qui devait être désormais pour lui moins utile que compromettante, se lança dans le monde. Les premières portes où il frappa, dans le faubourg Saint-Germain, s'entrebâillèrent plutôt qu'elles ne s'ouvrirent devant lui. On trouva généralement que le vicomte avait abusé du droit qu'un gentilhomme a de s'encanailler, et on le lui fit sentir. Il en conçut une vive irritation et se rabattit sur la chaussée d'Antin qui se montra moins prude. Morincourt ne tarda pas à être adopté par la haute banque. Une de ses sœurs, élevée à Paris par une vieille tante assez riche, avait fait au cours de chant la connaissance de Mademoiselle Passemart. Il s'autorisa de cette relation pour entrer en rapport avec la famille du raffineur. Roger avait alors 35 ans. C'était un grand homme maigre, le teint un peu olivâtre, les cheveux très noirs, plats et rejetés en arrière, les lèvres minces disparaissant sous d'énormes moustaches dont il laissait retomber les pointes. Il eût été tout à fait bien sans l'extrême mobilité de son regard qui tantôt se fixait sur vous comme pour vous magnétiser, tantôt se mettre à papilloter avec de rapides clignements des paupières. Morincourt avait beaucoup d'entre-gens et plus d'orgueil encore. Mais ce qui dominait tout en lui, même la vanité, c'était une âpre convoitise de fortune. Pendant 12 ans, il avait végété misérablement, mangé de la maigre chair des tables d'hôtes du quartier latin, porté des redingotes douteuses et des chapeaux luisants. Il voulait jouir maintenant et profiter de l'embellie qui venait d'éclairer son ciel pour se prémunir à jamais contre les mauvais jours. Il ne se souvenait qu'avec horreur de cette existence médiocre et précaire, dont les joies mêmes sont empoisonnées par le souci du lendemain. Il rêvait une vie large, facile et s'attendrissait à la pensée de pouvoir enfin travailler à ses heures, d'avoir un bel atelier plein de bibelots rares, une bonne table, une cave de choix, des domestiques, une voiture, et un jour par semaine pour éblouir de son opulence ses anciens compagnons de pauvreté. Morincourt pensa que le mariage pouvait lui donner tout cela, et qu'il devait bien se trouver de par le monde une héritière disposée à payer de ses millions l'honneur de devenir la femme d'un vicomte authentique, possédant outre ses armoiries une certaine notoriété personnelle. Ce fut sur l'ami de sa sœur qu'il jeta les yeux. Pendant tout l'hiver de 1876, il fut fort assidu chez les Passemart, et sans se démasquer encore, car il ne livrait rien au hasard, étudia avec soin la position. Il discerna sans peine l'ambition et la vanité qui étaient, en effet, deux des traits du caractère d'André, et à tout hasard, se mit à lui prodiguer des flatteries discrètes auxquelles la jeune fille ne fut pas insensible. Mais il se gardait bien de laisser voir qu'elles fussent intéressées, et affectait de la traiter comme une sorte de confrère en art et en littérature. Il la consultait négligemment sur un sonnet, sur un projet de drame, en feignant d'attacher un grand prix à ses avis. André, charmé de ses égards, y répondait en demandant des conseils pour sa peinture. C'est ainsi qu'elle fut amenée à prendre une dizaine de leçons d'aquarelle avec lui, quoi que pût faire pour l'en détourner Jacques, qui devinait en Morincourt un rival et le haïssait cordialement. Roger savait qu'Henriot aimait André, mais ne s'en inquiétait point, le jugeant trop épris et trop naïf, pour être capable de faire à la jeune fille la cour savante qui convenait. Par prudence, il déclara toutefois la guerre à Jacques et sut insinuer peu à peu dans l'esprit de Mademoiselle Passemart l'opinion que le talent du jeune peintre était dépourvu de vigueur comme d'originalité. Il excellait au contraire à se faire valoir et n'hésitait jamais à prendre, lorsqu'il parlait de lui-même, ces airs avantageux qui semblent à certaines femmes une marque de supériorité et réussissent auprès d'elles bien mieux que la simplicité du vrai mérite. Quand on apprit qu'Henriot venait d'obtenir le prix de salon, Morincourt se contenta de sourire avec une expression de dédain suprême. Ce n'était pas lui qui aurait jamais de ses succès, qu'on achète par d'humiliantes concessions à l'école et au prix d'une complète abdication de son indépendance d'artiste. Il était un lutteur, lui. Il se moquait de l'Institut et ne chaussait pas les bottes de M. Cabanel. Il avait son but, l'introduction dans l'art et dans la littérature de la modernité. Le lutteur n'en était pas moins extrêmement mortifié du triomphe que son ennemi venait de remporter. Au bal que les Passemart donnèrent avant leur départ pour la campagne, Roger remarqua qu'André témoignait à Jacques plus d'amitié que d'ordinaire. Il crut la partie perdue et se résigna d'autant plus aisément qu'il avait appris par l'expérience de la vie qu'en amour comme au jeu, il ne faut jamais courir après son argent. Il ne vint donc pas au Charmy et se rappela seulement au souvenir d'André par la dédicace qu'il lui adressa d'un nouveau volume de vers intitulé « Morbidesse ». Il avait dressé ses batteries d'un autre côté et ouvert les premières tranchées devant la forte dot d'une fille de banquier juif, dont la famille méprisait les chrétiens un peu moins qu'elle n'appréciait leurs armoiries. Pendant ce temps-là, Mademoiselle Passemart marivaudait au Charmy avec Henri Mareuil, de sorte qu'après avoir songé l'un à l'autre sans se le dire, la jeune fille et le jeune homme semblaient sur le point de séparer à jamais leur destinée, sans souci de la pensée qu'ils avaient eu un instant de les unir. Mais il arriva que Mareuil, pris de scrupules tardifs, rompit l'intrigue où il s'était engagé. Vers la même époque, Morincourt se voyait supplanté auprès de sa Rachel par un gros banquier qui mit en ligne contre les parchemins du vicomte tant de sacs d'écus que force fut à la noblesse de battre en retraite devant la finance. André et Roger se retrouvèrent donc en présence, lors du retour des Passemart à Paris, dans les mêmes conditions à peu près que 6 mois auparavant, avec cette différence toutefois, que l'une avait hâte de se venger du dédain de Mareuil, ne songeait décidément plus à Henriot et que l'autre était plus pressé que jamais de trouver un établissement avantageux à la barbe d'Israël. Le vicomte reprit sa cour au point où il l'avait laissée. Comme chacun d'eux avait quelque chose à cacher, ils évitèrent de se parler, si ce n'est en termes généraux, des 6 mois qui venaient de s'écouler. Elle avait passé son temps dans la quiétude désœuvrée de la vie à la campagne. Lui avait travaillé à rassembler les matériaux d'un grand drame philosophique qu'il destinait à la Comédie-Française, bien qu'il lui répugnât de livrer son œuvre à une scène dont on connaît les accointances avec l'Académie et où l'inspiration du poète n'est pas libre de se donner carrière. Dès les premières entrevues, Roger s'aperçut qu'il y avait dans la jeune fille quelque chose d'un peu fébrile. Il fit sonder adroitement le terrain par sa sœur Henriette, et en apprit assez pour deviner à peu près ce qui avait dû se passer au Charmy. Plus délicat, il n'aurait pas consenti à devoir le cœur d'une femme au dépit dont elle vibrait encore contre un autre homme. Roger n'eut point de ses scrupules et se félicita au contraire d'une circonstance qu'il jugeait singulièrement favorable à ses desseins. Il faut aimer beaucoup pour être jaloux même du passé de celle que l'on aime. Morancourt n'en était pas là. Il était beaucoup plus épris de la fortune de Passemart que de sa fille, et ne se souciait point de gâter la belle opération qu'il avait en vue par l'inopportune intervention dans l'affaire du sentiment, sous la forme d'un accès de jalousie rétrospective. Il continua donc à user auprès d'André de la tactique qu'il avait employée déjà, non sans quelque succès, l'hiver précédent. Peu à peu, il s'enhardit à glisser quelques allusions aux souffrances que lui infligeait un amour ardent et sans espoir. André écoutait ces banalités sans être plus ému de les entendre qu'il ne l'était de les dire. Le souvenir des paroles brûlantes de Jacques se présenta même un moment à l'esprit de la jeune fille et elle songea « Celui-là seul m'a aimé ». Toutefois, elle évita de décourager le vicomte et ne marqua point de mécontentement quand elle le vit s'engager à fond. Morincourt était en somme fort éloigné de lui déplaire. Elle croyait à son double talent de peintre et d'écrivain et avait fini par se laisser persuader que s'il ne s'imposait pas encore à tous, c'était à cause de l'envie suscitée par sa supériorité. Le moment vint où il fallut prendre une décision. Toute la famille Passemart appuya Roger, dont la candidature n'était plus, depuis 2 mois, un secret pour personne. « Mais songe donc que tu seras vicomtesse !» s'était écrié au premier mot la sincère Madame Passemart. « Vicomtesse, entends-tu, ma bichette ?» André le savait bien. Il y avait beau jour déjà qu'elle y songeait. Quand on est vaniteuse et fille d'un homme qui a commencé sa fortune avec des jambons fumés, on se résigne sans trop de peine à faire broder un petit bout de couronne dans un coin de ses mouchoirs. D'ailleurs, la 24e année arrivait grand train. André s'ennuyait, avait hâte de quitter sa famille et de vivre tout à fait à sa guise. Roger, sans doute, était aussi pauvre que noble, mais n'avait-elle pas, elle, de la fortune pour deux? Enfin, ce mariage était la meilleure vengeance qu'elle pût tirer de l'impertinence de ce petit mareuil. 2 jours après, la demande officielle du vicomte Roger de Morincourt était agréée, et vers la fin de janvier 1878, le mariage fut, comme on l'a vu, célébré à la Madeleine.